إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السؤال: هل كل من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال؟ Toute personne qui a dit « La ilaha illallah », est-ce qu'il est, on va dire, immunisé par cette parole, préservé dans ses biens et dans sa vie, à l'intlaq, de façon absolue? لماذا؟ مسلما عمدا بغير الحق، سكت مسلم عمدا صنعا. نعم، نعم، إزاد غولي. طيب، بعد هذا السلام عليكم. والذي يحلف لغير الله جوقتك الله سبحانه الجمع هل يكفر بذلك؟ لو في تعظيم يعني يكفر، لكن لو يحلف لكن غير عام comme des coutumes qu'on a vu ça c'est pas du shirk du coup pas non. يعني إذا كانت تعظيما للمحلوف له أو به فلي بركة الجروف يعني تعظيم فلي كفر أكبر، وإلا فالحلف بغير الله فلي كفر أصغر. طيب نواصل الآن. باش 92، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت الكبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في الفسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلى الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم له ولم نصوم ولا نحج. Okay. Si tu dis, quelqu'un avec qui il débat, que ces kubouriyoun et autres parmi ceux qui ont une croyance erronée dans les pervers parmi les gens vivants et parmi leurs ignorants, ils disent, c'est Yukubulioun, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on ne les adore pas. On n'adore que Allah subhanahu wa ta'ala, seul. On ne fait pas la salat pour eux, on ne fait pas siyam pour eux, on ne fait pas le hajj pour eux, ou rien de zalika. Ils disent, nous, ce qu'on fait, on fait des ibadah, on le fait pour Allah, on ne fait pas pour eux. طيب على كلامهم يمكن تقول صح. قال المؤلف: قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت. Il dit ça c'est une pure ignorance du sens de l'adoration car elle ne se limite pas seulement à ces actes là. ما هي العبادة؟ أحسنت. خديوي. أحسنت. نعم. قال بل أرسلها بل رأسها وأساسها الاعتقاد وقد حصل في قلوبهم ذلك بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستعاذة والاستعانة والحلف والحلف والنظر وغير ذلك. Donc il dit, donc comme il expliquait, que l'adoration ne se limite pas à ces actes qu'eux ont donné, comme la salat, comme le siyam, comme le hajj. Il dit même la tête de l'ibada et sa principale fondation, c'est la croyance, l'artikad, celle qui est dans le cœur, et qu'eux-mêmes ils appellent mu'taqadan. Eux-mêmes ils l'appellent comme ça, c'est-à-dire celui qui est dans le kabr, le wali, il l'appelle mu'taqadan. Allez, je pense qu'aujourd'hui ils le disent encore, mais à l'époque du Mu'allif, ils disaient comme ça. Et ils font pour lui tout ce qui était cité précédemment dans le livre, comme acte, qu'on a expliqué. Choses qui sont des choses qui résultent d'une irtikade, une croyance. Par exemple, qu'est-ce qu'ils font pour lui? Le dua, ils l'invoquent. Le nida, ils l'appellent. Ils font le tawassul. Par son biais, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font l'istirafa par lui, l'istirana, ils jurent par lui, ils font des vœux pour lui et autres. Et tous ces points-là sont des ibadat. L'istirafa, ibadat. Comment est-ce qu'on sait est-ce que chose est une ibadat ou pas? Comment est-ce qu'on le sait? Andak. Comment est-ce qu'on sait qu'une chose est une ibadat? Je ne suis pas légiféré par tout ce qui est légiféré. Pas de... Ibada bizatiha en elle-même, c'est quoi? Comment tu sais que c'est une ibada? Tu lis dans le Coran et tu vois une chose, tu dis ça c'est une ibada, comment tu sais? C'est lié à l'adoration du par rapport à mon cœur. Là, tu ne sais pas au début. Quand tu vois une chose dans le Coran, comment tu sais que ça c'est une ibada? Avant que tu la fasses. C'est ordonné par le Coran. Aïwa. C'est légitimé par le Coran. C'est ordonné. Non, pas quatre. Il y a ordonné et... Ça revient au tarif qu'il a donné. Tout à fait, par rapport à ça. Comment tu sais que c'est une ibada? Lui, il a donné la définition de l'ibada. Maintenant, dans le Coran, je l'ai inversé. Quand même. Je dis, je ne sais pas si c'est un acte, ça, une chose qui est permise en soi, normale, ou c'est une adoration. Comment je le sais? C'est tout ce qui est acte qui revient à... Salam Allah yakul, wala tansa, nasibaka min dunya. N'oublie pas ta part de dunya. N'oublie pas ta part de dunya. C'est une adoration? Oui. La part de dunya, c'est une adoration? Dunya, non. Ben, il a dit, wala tansa, nasibaka min dunya. Donc comment tu dis que c'est pas une adoration, ça? C'est ça qu'on veut savoir. Peux-tu le savoir? Naam, comment tu le sais? Comment tu le sais? Ça revient à ton tarif, ça revient au tarif. Maintenant, comment tu sais qu'il aime ça et qu'il l'agrée? Parce que c'est écrit dans le Coran. Les choses dans le Coran sont écrites, ce qu'Allah ne parle même pas. Les choses qui sont écrites, qui sont juste permises. Maintenant, on parle d'une ibada. Comment tu sais que c'est une ibada? Tu peux avoir le hajj par un acte lié à une ibada qui n'est pas une ibada en soi. Marcher par le masjid, à la base, n'est pas une ibada en soi. Tu as le hajj du fait que tu mets une niyyah pour aller au masjid. Ouais. Moi, je veux une ibada bizatiha. L'adoration en elle-même, pas ce qu'il y a autour. C'est que pour Allah. La ibada, mais comment tu le sais, toi? Comment tu sais que la salade c'est une ibada? Comment tu sais que le hajj c'est une ibada? Comment tu sais que le siyam c'est une ibada? Comment sais-tu que le djihad c'est une ibada? Comment sais-tu que le dua c'est une ibada? Comment sais-tu que l'istiafa c'est une ibada? C'est ça le savoir. Comment sais-tu que lire le Coran c'est une ibada? Il y a un hadith qui dit, adoua l'ibada. Moi maintenant je viens dans le Coran. Dans le Coran, je lis un verset, je vois un acte. Je dis, est-ce que c'est une ibada ou ce n'est pas une? certains versets, il y a marqué. À la wajh al-umum, moi je veux pas une, je parle de façon générale. Paul Dora, on dit que c'est Paul Dora, moi je t'en ai cité plein. Moi je veux un truc général. Moi je parle dans le Coran. C'est tout ce que tu vois comme verset que Allah donne l'ordre de le faire. Confie avec un. Et tu vois que l'acte en lui-même, il y encourage, il y appelle. Ou dans l'application, ou dans le délaissement. Ou qu'il cite en bien des gens qui le font. Donc après, tu retrouves par rapport à. Par exemple, ils vantent Zakaria pour le novre, pour le vœu, pour le, chou, le rouchour. Et ils étaient fidèles à leur vœu. Et Allah s'entend là, fait l'éloge de Zakaria de sa femme à ce moment-là. Ils étaient humbles devant nous. Donc ils les citent en bien. Pour un acte qu'ils font, donc cet acte-là, c'est une ibad. Ou ils donnent un ordre. Donc ça sera, quand tu vas lire, c'est avec un ordre en on ne peut pas le couvrir. C'est un ordre qui vient de. Ah, mais ce n'est pas forcément une ibadah bizati. Allah dit : Voilà tout ce qu'il faut. Ne gaspillez pas, Allah n'aime pas les gaspilleurs. Demain, les gens ne gaspillent pas. Parce que c'est une ibadah qu'ils font, tous. Pas forcément. Pas forcément. Moi, je prends une ibadah bizati, ça en est une. Et tu es obligé de le faire pour Allah et d'avoir une niya pour le faire. À ce moment-là. Il y a plein d'actes que Allah est dans le Coran, il interdit. Qui vont dire le dépôt aux gens. Il y a des gens, le dépôt à des gens, des koufas, c'est une ibadah qu'ils font. C'est pas une ibadah qu'ils font. Vous voulez penser quelque chose, on dit tiens, quand tu rentres à Paris, tu donnes ça à Bruno. T'as une lettre, tu la donnes à Bruno. Il prend la lettre, il arrive à Paris, tiens Bruno, c'est pour toi la lettre depuis de Jean-Pierre. Pour toi une lettre. Il a rendu le dépôt. Est-ce qu'il a fait une ibadah à ce moment-là? Il n'a pas mis une niya, c'est une ibadah. Bon, c'est normal. Le facteur, quand il vient chez toi, il pose la lettre dans la boîte aux lettres. S'il existe encore. C'est un abid, c'est un adorateur. Son travail, il est payé. Il amène le colis, il vient, c'est dans ta porte, il ramène ton colis. Chronopost, monsieur, voilà, c'est votre colis aujourd'hui, il est arrivé. Là, signe le bon, kaza, et il s'en va. On a dit que vous avez une ibadah en faisant ça? Non. Ça, c'est une chose, une ibadah, quand tu mets une niya. Des fois, tu peux rendre le dépôt pour quelqu'un, sans niya, khalas, l'acte, il est fait. L'acte, il est fait. Même si tu mets une niya, tu es récompensé. Mais si même tu ne le fais pas, tu auras un péché. C'est comme la dette, on expliquait dans Korad al-Fikriya. Demain, tu as une dette envers un frère. Tu as apporté de l'argent à un frère. Tu veux lui rendre l'argent. Vous voyez ? Tu vas lui rendre son argent. Voilà, tu as coulé à Molenas Bilbaratil. Ne mangez pas l'argent des gens faussement. Donc tu ne peux pas prendre son argent faussement. Donc tu viens, tu lui rends son argent. Tu n'as pas mis une niya à ce moment-là. Au moment où tu lui rends l'argent. Parce qu'on va dire, t'as pas mis une niya, tu recommences. T'as rendu. Maintenant, tu mets une niya, tu es récompensé. Mais maintenant, tu as pas mis une niya, tu lui rends l'argent. Boulette et zima, comme on dit. La charge, elle est. Tu t'es déchargé de cette obligation qui était de lui rendre son argent. Mais tu n'as pas de récompense en soi. Et t'as qu'à rebuter Allah parce que t'as pas mis une niya. Maintenant, t'as mis une niya, un jour. Et c'est une ibadah, ce cas-là, tu as interdit de prendre son argent. Tu ne l'aurais pas rendu son argent, qu'est-ce qui serait passé? Tu aurais pris le péché d'avoir pris son argent, justement. Maintenant, moi, je parle des ibadahs qui, en soi, sont des ibadahs, il n'y a pas d'autre wajh, comme la salat, comme le nazr, les choses que tu fais pour autre que Allah, comme il l'a dit, Sofiane, c'est du shirk. Alors, il y a des choses que tu fais pour autre que Allah, sont permis, ce n'est pas du shirk. Tu as des choses que tu fais pour autre que Allah, c'est du shirk. Allah, toi. Pareil. Donc, dans le Coran, comment tu sais, lorsque Allah donne un ordre, la falaine, ou qu'il vante la chose, ou il vante celui qui l'a fait. Également, quand il interdit. Après, il faut différencier entre interdiction. Est-ce que celui qui l'a fait, yani qu'il délaisse l'interdiction, est-ce qu'il est récompensé ou pas? Ça dépend de sa niya. Pas même. Non, assez. Donc, ces gens-là, quand même, ont oublié que l'adoration, c'est bien plus large. Elle n'est pas restreinte à la salat, au siyam et au hajj. mais elle est beaucoup plus large que cela. Et des actes que Allah SWT a jugé comme étant des ribadat là, ils les font pour autre que lui. Donc de là, ils ont adoré autre que Allah SWT, qu'ils s'en rendent compte ou pas. Qu'ils s'en rendent compte ou pas. ثم قال المؤلف وقد ذكر العلماء أن من تزي بزي الكفار صار كافرا ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا فكيف من بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا. Les savants ont cité que celui qui se revêtit de l'habit des kuffars qui leur est propre devient un kafir. Celui qui parle et qui prononce du kufr devient un kafir. Donc que dire de celui qui atteint ce niveau dans sa croyance, dans ses paroles, dans ses actes? Là, il y a un tambi à faire par rapport au kalam du mu'allif. Man tazayya bi zay al-kuffar sara kafira. Ça, c'est pas à l'itlaq. C'est pas dans l'absolu. Là, on parle des vêtements qui sont propres aux kuffars. Pas des vêtements mouchtadika. Il y a des choses que les kuffars, les muslimouns y mettent. Là, on parle des choses qui sont leur emblème. C'est un exemple. Mettre, par exemple, s'habiller comme un juif. Mettre le chapeau, mettre la kippa, mettre kaza, mettre le truc qui met autour de la ceinture, de la taille. S'habiller comme eux. Même comme eux exactement. Ou mettre un vêtement comme un prêtre, par exemple. Ou mettre le vêtement qu'ils mettent les bouddhistes, là, leur robe orange là, ou jaune. Tu mets ça, là. Est-ce que tu deviens pour autant kafir, le fait de l'avoir mis? Non, c'est pas dans l'absolu. Tu le deviens quand? Si jamais tu préfères ce vêtement-là au vêtement des musulmans. Tu dis ça, ce vêtement-là, il est mieux. Quand même? Par exemple, tu vois, je sais pas moi, comme on l'a expliqué, tu mets un truc de bouddhiste sur toi. On te dit, tiens, mets un kamis, Yari. Non, ça c'est mieux ça. Je préfère ça. C'est mieux ça. On dit que c'est un jaïn, tu l'expliques. Tu dis, Yari, ça c'est le vêtement des bouddhistes, des gens qui adorent Bouddha. Même si leur vêtement qui leur est propre, dans lequel ils font leur ibad. Hein. Ils le mettent que dans leur temple, ils le mettent pas n'importe quoi ce vêtement-là. C'est pas comme si tu avais mis, je sais pas moi, un pull avec un truc commun. Tu as mis un vêtement propre à des gens pour des rites spécifiques, ils font une ibad qui sont du shirk. Tu n'as pas le droit de porter cela. Il dit, si moi je peux faire un peu de ça, tu peux mettre ta camise blanc. Là, il aura fait du kouf. Mais le fait qu'ils le remettent sur lui, qu'ils le revêtent, c'est pas forcément du kouf. Ça dépend à sa niya. Ça peut être un assi. Par exemple, il dit, je sais que c'est pas bien, mais j'aime bien. Il dit, je sais que ce vêtement-là, c'est haram. Donc, comme il sait mieux, mais je trouve ça beau. Tu vois, je trouve ça beau. Je sais que c'est pas bien, je devrais pas le mettre, mais je trouve ça beau. Alors que l'autre, te dit que il préfère ça, et que c'est mieux. L'autre te dit, je sais que c'est pas mieux, mais j'aime bien la couleur. Et je trouve ça confortable, par exemple, à porter, c'est agréable, c'est aéré. Mais je sais que c'est haram, c'est truc de mouchidikin, mais j'aime bien. C'est une marcia en fait qu'il fait. Comme des gens qui font des péchés. Donc lui, il n'a pas fait de kouf. Ou le fait aussi de prononcer des paroles de kouf. On avait expliqué ce sujet-là. À quel moment ça devient du kouf? Quand tu as dit la parole intentionnellement. Vous voyez? Maintenant, tu l'as dit sans faire exprès. Sorti de ta bouche, par habitude. Ça n'en est pas. Tu étais contraint, ça n'en est pas. Tu as dit une parole, tu ignorais le sens de cette parole-là, ça n'en est pas. Maintenant, tu l'as dit intentionnellement, même si tu ne veux pas le kouf, mais tu as fait exprès de le dire sans des raisons, sans des excuses différées, là, tu auras mécru. Vous voyez, tu dis une parole de kouf, sans excuses légiférées, en sachant ce que tu dis. Même au fond de toi, tu dis, je ne veux pas le kouf, moi, je ne veux pas, je l'ai dit, mais ce que je dis là, je n'y crois pas, je ne l'ai pas dans mon cœur. Tu dis, tu l'as dit quand même. Et tu l'as dit volontairement. Tu n'es pas ivre. Tu n'es pas sous la peur de la menace de mort. Tu n'es pas mafalan de situations qui font que tu aurais été excusé. Donc cette parole-là, elle est comptée comme dans du kouf. Tu as mécru par cette parole-là. Donc ce n'est pas toute parole de kouf qui fait de toi un kafir. Il y a un torsé. Donc il dit que dire de quelqu'un qui fait tout cela avec la croyance dans son cœur, avec les paroles sur sa langue et les actes par les membres. Du coup, comme invoqué autre que Allah SWT. Il vient près de la tombe, dans son cœur, il se dit lui, il va me répondre. Il prononce l'invocation, il lève ses mains. Il a réuni les trois. C'est du couf. C'est du couf. Tu m'accordes. فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ Donc si tu dis ces vœux que tu fais, les sacrifices que tu fais, quels sont le jugement? قال قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها ويسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقصى. فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا جلب نفع أكثر منه أو دفع الضرر. Donc il dit maintenant, il dit toute personne par rapport au nadhr, il avait parlé du nadhr, mukayyid, le fait de faire un vœu et de donner par tes biens en échange de quelque chose. C'est pas n'importe quel vœu qu'il parle. Il parle le nadhr mukayyid, c'est-à-dire s'il m'arrive telle chose, je donnerai telle chose. Ou je donne telle chose pour qu'il m'arrive telle chose. Vers le wali du Qabr dit, je vais faire en offrande telle chose en échange que le wali me fasse telle et telle chose. Donc il dit, il n'y a pas toute personne raisonnée, sensée, sait que les biens des gens, les richesses des gens, ils le font très attachés. Les biens des gens, les gens ils aiment ça. Et c'est pour cela que dans le monde, ils s'efforcent à les réunir, hein, à réunir l'argent, à réunir les richesses, quitte à même commettre des péchés. Même la plupart du temps, sans commettre des péchés. Ils font des grandes distances pour cela, quand même, de tous les bouts du monde, et que personne ne dépense de son argent sans qu'il ait pour croyance que cette dépense repoussera, lui apportera plus que ce qu'il a dépensé ou repoussera un mal. L'argent que tu donnes, tu tiens à en tirer bénéfice de façon abstraite ou concrète. Par exemple, le muslim fait sadaqa, il veut le hajj d'Allah, subhanahu wa ta'ala. T'as même, Mathalan. Quelqu'un va dire, mais il gagne rien, si. Il a la récompense, le Qiyamah. Il fait pas ça comme ça, il a un intérêt dans ce qu'il fait. Nous, les musulmans, ils marchent à l'intérêt. Quoi qu'on dise. Tu veux quoi, l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Avoir son pardon, entrer au Jannah, éviter son art. C'est ça, là, t'as quoi? T'as quoi, tu te réserves de toi, du fait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de son châtiment. Contrairement aux soufis qui disent que nous, on adore Allah que par amour. Hein? Donc, on était à Allah, on doit rabbakum, khawfan wa tama'a. Invoquer votre Seigneur. Quand même, par peur et par convoitise. Allah nous l'ordonne. Donc nous, on veut cela. On veut le Jannah. On veut que Allah nous aime. On veut notre risque. On veut que Allah nous pardonne. On veut être aimé des gens pieux. Par la grande Allah, bien sûr. Pas par, tu vois. Ce qu'on fait, on a un but, on a un objectif. Donc l'argent que tu dépenses, c'est pareil. Demain, tu vas acheter à manger, c'est pour manger, pour vivre. Tu vas acheter à boire, t'as soif, pour vivre. Tu achètes des vêtements pour te recouvrir. Ta aura, tu dépenses pour ta famille, parce que c'est wajib. Quoi que tu fasses avec tes biens, toi, que ce soit réel ou pas, tu penses en tirer bénéfice. Même les gens, les fous qui vont dans les casinos, qui dépensent des sommes d'argent immenses et qui partent, comme on dit, ruinés, lui, il a dépensé dans quel espoir? De gagner plus. Ou non, c'est une maladie. Dans sa tête à lui, ça lui apporte quelque chose, même si c'est pas vrai. Tout comme pour eux, ce qu'on dépense nous, ça nous apporte rien du tout. Alors ça nous apporte beaucoup, mais ils ne s'en rendent pas compte pour l'instant. Quoi qu'il en soit, quand quelqu'un dépense de l'argent, il l'a ni à derrière d'en tirer profit ou de repousser un mal. Il ne dépense pas comme ça. قال فالنظر للقبر ما أخرج ما له إلا لذلك وهذا اعتقاد باطل ولو عرف الناظر بطلان ما أراده ما أخرج درهما فإن الأموال عزيزة عند أهلها قال تعالى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرجوا أدعانكم. Donc il dit, celui qui fait un vœu pour un cobre, son argent, c'est bien, il ne le sort que pour cela. Et ça, c'est un article qui est baratil. Et pire que baratil, c'est du shirk. Car si jamais il avait su la fausseté de son acte, il n'aurait rien sorti. Lui, il se dit, cet argent-là va me servir que le wali va me répondre. Il va m'exaucer. Si jamais on lui a dit, tu ne vas rien avoir, que le wali ne va rien donner, il ne va rien sortir. Donc, comme on dit, s'il avait su que cela ne lui apporte rien du tout, même lui apporte du mal, il n'aura pas sorti un dirham. Car, comme on l'expliquait, les biens sont chers aux yeux des gens. Tous les biens que tu possèdes sont chers pour toi. C'est pour cela qu'Allah dans le Coran, il dit, dans le sens, à son messager, et ne leur demande rien de leurs biens. Car si jamais tu leur demandais, tu les importunerais certes, et de là, ils deviendraient avares, il faudrait sortir leur haine. Ce verset-là, toutes les fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé des biens à des gens, c'était mashrour, comme la zakat, sadaqa, fil aïd al-fitr, wa al zalika, ou les hukouk, pour les droits. Ou inciter quelqu'un à aider quelqu'un. Sinon, on n'a jamais rien demandé aux gens. Car celui qui vient qui demande de l'argent aux gens, il importune les gens. Ce verset-là, c'est un rod, Asab Tassawoul, qui font de la mendicité à tout va, qui demande de l'argent aux gens. Donnez, faites un don pour la mosquée, faites un don pour telle chose, faites un don pour la Jamaïat Foulaniya, faites un don, faites un don, faites un don, faites un don. Ce verset-là est un rod sur eux. Que demander leur des biens de l'argent ou demander des biens aux gens, de façon illégitime, tu les importunes. Et ce n'est pas la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car au début, ils vont donner une fois, deux fois, trois fois, un jour, ils vont dire, ça suffit. Ils vont fuir de toi. Quand même. Et tu passes la religion comme étant une religion misérable. Que Allah ne donne pas à ses serviteurs, donc tu es obligé de demander aux gens. Ça, c'est une parenthèse. Donc, فقال فالواجب تعريف ما أخرج النظر بأنه إداعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه إلى ولا يدفع عنه ضرارا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النظر لا يأتي بالخير وإنما يستخرج به مال البخيل. Donc il dit qu'il est obligé de faire savoir à cet homme qui fait un œuvre pour le cobre avec son argent que ça, c'est une perte d'argent totale. Que cela ne te sert à rien du tout. Quand même, cela ne te sert à rien du tout. Et ne te repoussera aucun mal. Tu vas n'en tirer aucun bénéfice. Belle, tu vas en tirer du mal, du dollar. Tu vas perdre de l'argent, et en plus, tu es dans l'akida qui est bon, là, shirkiya. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le sens que le fait de faire un vœu en soi, n'apporte aucun bien, mais juste, cela fait apparaître qui est le bakhil. Le hadith est mutawakkuna alayhi, apporté par Ibn Omar et Abu Huraira. Il parle du vœu d'Inaz al-Muqayyid. Car le nazr, on a pris les deux sortes. Mutlaq ou Muqayyid. Mutlaq, c'est celui qui fait un vœu sans rien en échange. Il dit, Inch'Allah, lillahi alayya som yawman. Bel som yawman. Afan. Lillahi alayya soum yawmayn. Il dit pour Allah, je vais jeûner deux jours. Comme ça, de lui-même. Ces deux jours-là, il doit les faire. Ouais. Un ordre, quand tu t'imposes une chose que Allah ne t'a pas imposée. Tu dis, je vais faire ça en plus, montrer à Allah que je l'aime, masalan. Et le deuxième au qayyid, c'est si Allah me donne telle chose, me guérit, alors je ferai sadaqa de telle somme. Ou je ferai le jeûne de tant de jours. Quand même, celui-là, si jamais il lui arrive ce qu'il demande, il doit remplir son engagement. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait que tu fasses un vœu ou pas, ça ne va rien changer. Ne crois pas que Allah va te donner plus que tu as fait un vœu. Là. Mais quand tu as fait le vœu maintenant, tu t'y tiens. C'est pour ça que le vœu, il est makrour. Tu t'imposes une chose que Allah ne t'a pas imposée. Et même de Ulama, il voit qu'il est muharram. Le nazr muqayyid. En vrai, il est makrour. Tabakar ta'ala, wa yufuna bi nazri. C'est-à-dire que là, tu es obligé de remplir ton vœu. Donc ton vœu, tu dois le remplir. Maintenant, ça montre quoi, comme le hadith le montre, que le vœu va rien t'apporter. Que tu fais un vœu ou pas, si elle veut te guérir, va te guérir. Si elle veut pas te guérir, va te guérir. En échange, Allah n'en a pas besoin. Il ne te l'a pas demandé. Chir avait raconté une anecdote comme ça, Cheikh Yahya, ta'ala. On l'avait décidé dans le douloureux précédent. Un homme, je crois que c'est dans le livre des Hamqa de Ibn Jawzi, Allah Alam. Un homme, il avait un âne qui tombait malade. Il a dit, si Allah guérit mon âne, jeûne tant de jours, je crois que c'est 30 jours. L'âne, il est guéri. Il a été guéri. Amen. Il a jeûné 30 jours. Juste après l'âne, il est mort. Il a dit, juste après l'âne, il est mort. Et l'homme lui a dit, Hakada, la somme Ramadan. Mais c'est comme ça, je suis pas Ramadan. Tu vois, voilà, dans le sens, ça revient au hadith, c'est un bakhil, à la base. L'histoire, est-ce qu'elle est vraie, je sais pas si elle est vraie. Mais dans le sens que, pour dire que ça, c'est quelqu'un qui est bakhil à la base, il dit, ah ouais. Aïe. Fakol, wajibu, raddu ilayhi. Amma al-kabid lil-nazr, fainu haramun alayhi kabdu. لأنه أكل لمال ناظر بالباطل لا في مقابلة شيء وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Donc maintenant il dit quoi? Cet argent, c'est bien que ce navire il l'a donné pour son œuvre, on doit lui rendre. Il est interdit de le saisir, de le prendre. Car tu as des gens dans les coubours, ça s'appelle les sanda, les sanada. Ce sont comme des dévots, les dévots de la tombe, un peu comme des disciples qui sont là pour nettoyer, pour s'occuper de... Et eux, ils prennent justement ce que les gens ils apportent comme vœux, comme bien, sacrifice, ou de l'argent qu'ils jettent, ou rien d'un des cas. T'en as, ils font ça chez les koufars. Ils ont une fontaine, des fois, des petites fontaines, ils jettent une pièce dedans. Ils font un vœu. T'as jamais vu ça? Voilà. Ça, c'est bâtil. Il vient, il prend une pièce, il jette, il dit, je fais le vœu de telle chose, hop, il jette sa pièce dans la fontaine. Et il pense que ça va être exaucé. Rien du tout. Juste, t'as perdu de l'argent, et t'as fait du shirk. Le soir, quelqu'un, il passe, il ramasse, et il est sur le feu. Isha avait été interrogé par rapport à ça, c'est permis de prendre cet argent-là. Il a dit, si c'est nul à personne, prends. Ça va être pris. Non, c'était pas d'argent, je crois que c'était des choses, des offrandes. Je crois que c'était interrogé par des gens en Inde, qui disaient que des gens portent des offrandes pour leur divinité, leur fausse divinité. Des offrandes, de la nourriture. Et il dit, c'est les rats et les singes qui les mangent. Parce qu'on leur rendait pas pour les manger. Il a dit, c'est pas, si jamais des choses qui n'ont pas été égorgées pour autre que Allah, ou que ce pas des choses haram, tu peux les manger. Mais attention, c'est pas une fitna plus grande. S'ils te voient, après, ils vont faire des problèmes. C'est metté à l'abri, on ne voit pas. Donc là, ces gens qui saisissent ces biens au service du cobre, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Alors, dans le sens où il dit, et ne mangez pas vos biens entre vous vainement. Car cet argent-là, il l'a pris sans rien en échange. L'autre, il pense qu'il a quelque chose en échange. Il va avoir un vœu exaucé. Il n'aura rien. L'autre, il prend l'argent. L'argent, il a mangé injustement. L'autre, il a dépensé injustement, et l'autre, il mange injustement. C'est une escroquerie. قال ولينه تكرير الناظر على شركه وكبح اعتقاده ورضاه بذلك ولا يخفى حكم إرادي بالشرك فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي ولينه تدليس على الناظر وإيهام له أنه ينفعه الولي ويضره. Donc, car celui qui prend cet argent-là, qu'est-ce qu'il fait? Il cautionne l'acte du nazir, ce qui fait un vœu. Il le cautionne en prenant l'argent. Donc vous imaginez qu'est-ce qu'il fait, c'est bien. Et cela, le cautionne dans son shirk. Et lui fait croire que sa croyance, elle est bonne. Et il n'échappe à personne que celui qui agrée le shirk, qu'est-ce qu'il fait? Il est au shirk. Donc même celui qui prend l'argent en agréant l'acte de l'autre, il sait ce qu'il fait. Et il l'agrée, il est comme lui. Même jugement. Et ça revient à quoi? C'est un argent qui est pris injustement, comme l'argent donné aux voyants, mathalène, aux kahin. Ou au salaire donné à la prostituée. Kazalik. Car cela, comme on l'expliquait, celui qui prend l'argent de celui qui a fait le vœu, ça le trompe. Et lui fait croire que le wali va l'exaucer ou va lui faire du mal, l'un à l'autre. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النظر على الميت وأي تدليس أعظم وأي رضا بالمعصية العظمى أبلى من هذا وأي تيسير أو أي تثير لمنكر معروفا أعجب من هذا. Donc il dit quel est le pire des questionnements que de faire croire que de saisir l'argent de celui qui a fait un vœu pour le mort. Quelle plus grande tromperie que celle-ci? Et quel plus grand cautionnement du péché que celui-ci? C'est-à-dire de faire passer le munkar pour une chose ma'arouf. La personne a fait un acte blâmable et toi, tu lui fais croire que c'est un acte de bien. En prenant son argent, il croit que c'est bien ce qu'il fait. قال وهذا طيب وما كانت النظر للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب. يعتقد الناظر جلب النفع من الصنم ودفع الضرر، فينظر له جزءا من ماله أو يقاسمه أو يقاسمه في غلات أطيانه. Pourquoi? Car c'est ce qui fait le ناظر. L'argent il le donne pour qui? Pour les asnam, les awthan. Il pense qu'en donnant cet argent-là, son wasan ou son sanam va lui apporter un bien ou repousser un mal. Donc il vient, il donne une partie de ses biens ou de ses moissons, il a des récoltes, des champs, il apporte une partie de ce qu'il a cultivé, le dépose pour le ناظر. قال ويأتي به إلى السدنة comme on l'avait dit tout à l'heure. Il est sadat l'asnam ويكبدونه منه ويوهمونه حقيته وكذلك يأتي بنحيرة وينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإحراقها وإتلافها والنهي عنها. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le dévot de la tombe, du sanam, et celui-ci prend ses biens apportés par le navire. Donc lui fait croire que c'est le droit de sa akida. C'est un droit de prendre cet argent-là. Kazalika vient avec sa bête sacrifiée, ou plutôt sa bête à sacrifier, et il la sacrifie devant l'édifice du sanam. Donc ça, ces actes-là sont ceux-mêmes pour lesquels Allah SWT a envoyé les messagers pour les abolir. Ou pire qu'abolir, parce qu'abolir, c'est pas que c'était permis. On va dire pour les faire disparaître, pour les détruire, quand même, et pour les interdire. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que nous, on ne fait pas siyam pour eux, on ne fait pas de salat pour eux, on ne fait pas le hajj pour eux. Vous faites quoi? Vous faites des ibadah pour eux. Et les messagers ont été envoyés pour interdire ce genre d'action. Donc, c'est du shirk que vous faites. On revient à la réponse. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc là, c'est la réponse à ces gens qui disent que nous, on ne les adore pas. Ce qu'on fait, c'est pas des ibadah. Ils s'imaginent ne pas être des ibadah. Ce qu'ils font, ils ne savent pas c'est quoi une ibadah. Ils ne savent pas c'est quoi le shirk non plus. D'accord? Ma foumada? Fais la runa. Walhamdulillah wa bil alamin.